je suis volant bien dans les dents. À droite, à gauche et tout contre elle. Je file un coup dans la romance. La fille sur le capot chaud. Au carrefour, un vrai ballet dans les allées. Tiens. Une drôle de course en fond de cour. Chasse au guépard sous les piliers. J'essayais donc d'entamer décemment cette première soirée, moite. J'avais soif, en m'affalant épuisé au bar du bas du bloc. Roxane ne se pointerait pas avant minuit et la seule idée d'avoir à tenir 5 heures de plus me donnait l'envie de repartir siroter mon blair à la maison. Je me sentais là, comme un de ces déracinés par milliers, mormons rebelles, conquérants errants, martiens refoulés, chrétiens de légende, exilés clandestins qui se fondent à la galaxie tout entière, caméléons au milieu ou pas, parfois. Ah, enfin, te voilà. Bien sûr, Roxane m'emprunte Dickus, dès tout de suite, afin de commencer la nuit avec ce qu'il faut. Et nous voilà partis. Je me dirige vers l'escalier monumental qui fait bip, pop, bip, bip, pop à chaque marche. L'énorme portier me guide, l'alarme à l'œil de bonheur, entre les ronds nicotinés de son gros cigare. Là, les rebelles se dandinent sagement dans l'air conditionné. Moi, je monte, redescends, me remonte. Ma cravène a parfois un goût noisette, mais si je tire un peu fort, elle me lynche au goudron. Mais il est si tard de toute façon que les clopes ont un filtre de goût. Et j'ai mal à mon dodo. Brooklyn, Bronx, Queens, New Jersey, Manhattan. J'avais envie de manger de ta peau si sucrée dans mon café. Et je te donne mon sommeil. la pression monte au tropical. Elle me reçoit bien 5 sur 5, mais ne donne jamais.